بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الواحد درس 30%. 130 leçon. Toujours dans Kitab Ma'lumat Mutafarriqa. Dans différentes connaissances. Dans différents sujets de façon générale. يقول في السؤال 13 بعد المئة وألف 1113 question. ما اسم الحيوان الذي كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام؟ Quel est le nom de l'animal qui soufflait, c'est-à-dire pour ravivifier le feu qui avait été allumé pour Ibrahim عليه السلام lorsqu'il a été jeté par son peuple qui refusait son appel au Tawhid? قال الوزغة. Même الوزغة. Et الوزغة c'est un lézard. Une forme de lézard qui marche sur les murs, d'accord, qui marche sur les murs et qui est légèrement rose transparent. Et comment dire, ce n'est pas tout lézard, c'est celui-ci en particulier. Je sais pas, donc ici au Yémen, il y en a beaucoup, surtout dans les lieux chauds. Et je crois qu'en français, ils appellent ça un magouya. Ou quelque chose dans... Je crois que c'est un magouya ou un nom qui ressemble à ça. Donc le dalil, c'est le hadith de Mushuraik. « Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatl al-wazar. »« Wa qala kana yinfukhu al-Ibrahim alayhi salam. » Donc il a dit que... le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ordonné de tuer al-wazar. Car la cause, c'est qu'il soufflait sur le feu d'Ibrahim alayhi salam. Le hadith rapporté par Bukhari. Donc ça c'est également parmi les animaux qu'il faut tuer, d'accord. Cet animal-là, on peut ajouter aux autres qu'on avait cités auparavant, comme le corbeau, comme le milan, comme le scorpion, comme le chien qui mord, d'accord. Et le rat, on peut y ajouter cet animal-là également. Et Fissouel Arabi Achar, Mia Bad Elf, 1114e question. Ma Ajr Man Qatala Wazaratan. Maintenant, c'est quoi la récompense de celui qui aura tué l'un de ces wazara? قال من قتلها في ضربة الأولى فله 100 حسنة. Celui qui tue du premier coup, il a 100 حسنة. Et le dalil, c'est le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قتل وزرا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي ثانية دون ذلك والثالثة دون ذلك. رواه مسلم. Qu'il a dit النبي صلى الله عليه وسلم, celui qui tue un wazara du premier coup, il sera écrit 100 hasanat. Et celui qui tue du deuxième coup, il aura moins que cela. Et troisième coup, moins que cela. Naam. Donc ça peut être également, même pour les enfants, une forme de jeu. On peut le voir, bien que c'est une ibadah, du fait que c'est un animal qui est rapide, furtif. Donc il s'amuse à courir derrière et il se dit, celui qui tue du premier coup, il aura tant. Naam. Donc ne pas confondre, ce n'est pas tous les arts qui ont dans ce jugement, mais celui-ci en particulier. Et d'ailleurs, Aïcha avait chez elle une petite lance pour tuer cet animal-là. Et bien sûr, alors cet ordre-là, c'est un ordre d'istirbab. Et non pas d'obligation, c'est-à-dire, c'est pas demain tu veux tuer un wazar, tu n'y arrives pas, tu auras des péchés. D'accord ? C'est mustahab. C'est mustahab. Ce maqal, fissu'el, attafi achar. Wamiya Bad Elf. 1119e question. Limaza khalakallahu nujum. Pourquoi est-ce que Allah Azawajal a créé les étoiles? Donc là c'est pour trois raisons. Awalen, zinat lissama, pour embellir les cieux. Et on voit lorsque les cieux sont étoilés, la nuit, c'est magnifique à regarder. Rujuman shayatin, pour l'habiter les shayatin, ceux qui veulent voler les informations que Allah Azawajal auparavant faisait transmettre dans les cieux. Et certains disent que depuis que le Nabi sallam est arrivé, cela est terminé. Wallahu ta'ala alam. Donc par exemple, lorsque tu vois un météore ou autre que cela dans le ciel, ce qu'ils appellent une étoile filante, ce n'est pas comme les koufas, ils disent qu'il faut faire un vœu. Ça c'est du shirk. Cette étoile filante n'apportera rien du tout. Et il n'y a aucun dalil là-dessus par rapport à cela. Et d'ailleurs, même dans un hadith d'Ibn Abbas, il a dit « Nuhina anadba'u bi absarina ». C'est-à-dire, lorsque tu vois une étoile filante, ne la suis pas du regard. Tu la vois, et après tu détournes ton regard, ne la suis pas du regard. Comme cela est venu dans l'interdiction. Donc ça c'est la deuxième raison, pour pouvoir lapider les shayatines. Et troisième, alamat yurtada biha. Ce sont des repères dans le ciel pour pouvoir se guider, pour les voyageurs. Les voyageurs se guident par rapport aux étoiles. Bon, aujourd'hui on a plein de moyens nouveaux, modernes, mais les voyageurs anciennement, ou même ceux qui sont expérimentés aujourd'hui, peuvent se diriger à travers, par rapport aux étoiles. والدليل قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Nous avons embelli les cieux de ce bas monde avec des lanternes, c'est-à-dire les étoiles, et on en a fait des moyens de lapidation contre les shayatin. Là, c'est Al-Mulk. Surat Al-Mulk, la royauté, verset 5. وقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Et ainsi que des points de repère, et par les étoiles, ils se guident, ils sont guidés. Al-Nahl, les abeilles, verset 17, ou verset 16. Et comme cela est dans un affaire d'Ibn Mas'ud, celui qui a cherché autre que ces trois raisons-là avec les étoiles, il aura menti sur Allah Azzawajal et aura pris une part justement de ce qu'on appelle l'astrologie. Wali Azzabillah. Donc les étoiles, il n'y a pas ce que les koufars disent, être né sur une bonne étoile ou une mauvaise étoile. Cela n'a rien à voir par rapport au qadar. Tout cela est du shirk et des khurafat, des superstitions, qui n'ont aucun fondement en religion. Ou également ce qu'ils appellent les signes astrologiques, les signes du zodiaque, par rapport à l'année sur laquelle tu es né, ou le mois sur lequel tu es né, par rapport aux étoiles. Cela n'a aucun fondement en religion. Mais cela revient au qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour sa créature, et non pas aux étoiles. ثم قال في السؤال العشرين بعد والمية بعد ألف 1120e question. لما خلق الله الأنعام. Pourquoi est-ce que Allah a créé ce qu'on appelle les bestiaux? Donc, pour différentes raisons, parmi elles, pour en faire des montures. ومن لأكل لحومها وشرب ألبانها. Également d'autres pour les manger, manger leur chair et boire de leur lait. Comme c'est le cas de la vache, comme c'est le cas de la chèvre ou de la chamelle. ومنها لحمل الأثقال لبلد بعيدة. Même comme le chameau, par exemple, dromadaire, ou les chevaux qui transportent justement les charges lourdes. وَلَنْتِفَعَ مِنْ جُلُودِهَا وَأَوْصَافِهَا وَلَذَلِكَ مِنْ مَنَافِعَ. Et également pour se tirer profit justement de leur peau, d'accord, de leur laine, comme les moutons, ou la peau, comme la vache, on en fait du cuir, par exemple. وَلَذَلِكَ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ لِبِشِقِّ الْأَنْفُسِ. Il a dit que les bestiaux, il les a créés. Vous en avez fait un moyen de vous réchauffer, c'est-à-dire par les peaux de ces animaux-là. Et d'autres bienfaits. Et on en mange également. Vous en mangez. Également, ils sont une parure. D'accord, pour l'être humain. Lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils voyagent. Par exemple, à l'époque, c'était connu, les Arabes, ou même les gens, de façon générale, aimaient les beaux chevaux. Parce qu'aujourd'hui, les chevaux sont des animaux qui sont très aimés par l'homme. D'accord ? Dont la beauté impressionne, et la noblesse. Et également, il dit, transporte vos bagages ou vos cargaisons, qui sont lourdes, d'un pays à un autre. Chose que vous ne pouviez faire auparavant, si ce n'est pas avec difficulté. Aujourd'hui, bien évidemment, ce moyen de transport, on va dire, est fini. Maintenant, on a tout ce qui est transport moderne, la voiture, le train, l'avion, le bateau. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, on voit encore des gens, par exemple ici au Yémen, qui utilisent le chameau pour transporter certaines choses. Tayeb. Donc ça, c'est Al-Nahl, les abeilles, verset 5 à 7. وقوله تعالى والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم قامتكم ومن أسوافها وأبارها وشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Que Allah a fait de vos maisons un lieu d'habitation et qu'il a fait des peaux des animaux justement pour vous des demeures, c'est-à-dire les tentes qui vous sont légères quand vous déplacez ou quand vous installez. Et également avec leurs crins, leurs poils et leur laine, vous en faites des choses utiles. Également, c'est son surat An-Nahl, les abeilles, verset 80. ثم قال ما هي الظلمات الثلاث التي في قول الله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في الظلمات ثلاث il vous crée dans le ventre de vos mères création يعني par étapes dans les trois ténèbres les trois formes d'obscurité donc quelles sont ces trois obscurités il s'agit de celle en premier lieu du l'utérus, Zulmat al-Rahim, ou Zulmat Mashima, qui est le placenta, ou Zulmat al-Batn, qui est le ventre de la mère. Ce maqala fi su'al al-thalith wa 20 wa 100 ba'd alf. 1123e question. Ma hiya shajaratu allati tahtami khalfaha al-yahoud athna harbihim ma'a al-muslimin akhir zaman. Quel est le nom de cet arbre derrière lesquels se cacheront les Yahoud, les Juifs, lorsqu'ils seront en combat contre les Muslimines à la fin des temps. Il y aura un combat entre les Juifs et les Muslimounes, d'accord ? Et les Yahoud, Juifs, auront un arbre derrière lequel se cacheront qui les dissimulera. Quel est-il ? Il s'agit de Shajarat, un Gharqad, qu'on appelle Nitraya. Ce que j'ai trouvé comme nom dans le dictionnaire, Nitraya. D'accord ? C'est une plante qui est fortement cultivé par justement les juifs. C'est un arbre qui est considéré comme étant un juif. Shajarat al-Yahoud. Wa dalil wa hadith Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: la taqumu as-sa'a hatta yuqatil muslimun al-yahud fa yaqtuluhum al-muslimun hatta yahtabi al-yahudi min wara' al-hajar wa al-shajar. Fa yaqul al-hajar aw al-shajar ya muslim ya Abdullah adha yahudi khalfi. Fa ta'al faqtuluhu illa al-gharqad fa innahu min shajar al-yahud. Donc il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'heure ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas un combat entre les juifs et les musulmans, et que les musulmans tueront les juifs, à tel point que ceux-ci iront se cacher derrière cette plante, derrière des arbres ou derrière des rochers. Donc le rocher ou cet arbre dira aux musulmans, « Oh, serviteur d'Allah, oh Abdallah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. » Hormis al-Gharqad, ce qu'on appelle justement, on a dit là, Anitraya. Cet arbre-là, cette plante-là, ne divulguera pas l'endroit où se trouve le Yahoud derrière elle. Car c'est un arbre avec des Juifs. Mais les autres arbres et plantes et pierres, tous, d'accord, dévoileront, dénonceront le Juif qui se cache derrière elle. Afin que le Muslim puisse le tuer. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال السادس وعشرين ومئة بعد ألف 1126e question بماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي ليس فيه تمر comment est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a décrit une maison dénuée qui n'a pas de date قال جيع أهله أو كالبيت أو كالبيت الذي لا تعام فيه il a dit c'est une maison dont les habitants sont affamés une maison qui ne contient pas de nourriture Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Aïcha baytun la tamra fihi jiyun ahluhu. Ya Aïcha baytun la tamra fihi jiyun ahluhu. Qu'il a dit Ô Aïcha, une maison qui n'a pas de tamre, de date, ses habitants sont affamés. Ô Aïcha, une maison qui n'a pas de date, d'accord, ses habitants sont affamés. Portez pas musulman. Et dans une version également, il y a le khal, ce qu'on appelle le vinaigre. Une maison où il n'y a pas de vinaigre et ni de date, c'est une maison dont les gens ont faim. Et comment expliquer ce hadith ? C'est tout simplement qu'à l'époque, c'était la nourriture minimum que pouvait avoir le musulman à Al-Medina. Des dattes et du khol, du vinaigre. Celui qui n'avait pas cela chez lui, c'est vraiment qu'il n'avait rien chez lui. D'ailleurs, vous savez, on avait parlé auparavant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se nourrissait ce qu'on appelle l'aswadain, qui était l'eau et les dattes. C'était le minimum dont se nourrissaient les musulmans. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à notre époque, quelqu'un qui n'a pas de dattes chez lui, ça veut dire qu'il a faim. Aujourd'hui, on a d'autres nourritures. Dans d'autres pays, il n'y a pas de dattes, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre par ce hadith, c'est la nourriture. Que l'on trouve au minimum dans les gens du pays, si on ne la trouve pas chez des gens, c'est que ce sont des gens qui ont très faim, c'est-à-dire qui n'ont pas à manger chez eux. D'accord ? On fait un qiyas par rapport aux dattes, par rapport aux autres nourritures des autres pays. C'est-à-dire la nourriture minimum à trouver dans le pays, si on ne la trouve pas chez des gens, c'est-à-dire que ces gens-là sont des gens qui sont très pauvres, qui ont très faim. Summa qal. في السؤال 29 ومئة بعد ألف 1129 question. أين العقل؟ أين العقل؟ Où se trouve la raison؟ قال في القلب. La raison se trouve dans le cœur, en réalité, et non pas dans la tête qu'on pourrait le penser. Mais il y a un lien entre le cœur et la tête, bien évidemment. ودليل قوله تعالى لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب يفقهون بها ولهم أعين أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Qui l'a dit, عز وجل, dans le sens, nous avons préparé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Ça, c'est le shahid du verset. Des cœurs par lesquels ils ne comprennent pas. Et ils ont des yeux par lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas. Et ceux-là sont comme les bestiaux ou plus égarés encore, et ceux-là sont les inattentifs, insouciants. Al-A'raf, verset 179. Donc on voit comment Allah Azzawajal a dit que ces gens-là ont tous ces organes présents, mais ils ne leur servent à rien du fait qu'ils n'entendent pas ce qui leur est profitable, ils ne voient pas ce qui leur est profitable. Et leur cœur ne leur sert pas à comprendre ce qui est utile pour eux, c'est-à-dire la foi, Al-Iman. Thumanukmil bi Adalbab, Bissouel, Salathin ou Amiya Bad Alf, 1130e question. قال من كان ما طيب مع من كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. Avec qui était la bague, l'anneau du prophète صلى الله عليه وسلم, on va dire une chevalière, après sa mort. Elle était avec Abu Bakr. Ensuite, c'est Omar qui l'a récupéré. Ensuite, c'est Othman qui l'a récupéré, mais elle tomba dans un puits. D'accord ? Elle tomba dans un puits. Comme cela fut rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et cette bague était en argent. Et dessus, il avait écrit Muhammad Rasulullah. Était gravé Muhammadun Rasulullah. Naam. Fa biyadat kod naktafi. Et là, nous avons fini ce qui concerne ce chapitre-là. نعم فالحمد لله رب العالمين